Après la mort du patriarche, tu m'as confié tes domaines. Et en compagnie de tes poissons, j'ai parcouru tes baies et canaux. À l'aube, tu m'as banni pour nos beaux jours de jeunesse. Au-dessus du bassin amazonien, nous avons engendré cette jungle. Un autre 9 avril passe, avec des échos d'impunité ou vengeance, avec des colères de chômage ou guerre. Et je sais que je ne me battrai plus pour toi. Tu m'as embrassé en me retrouvant.